Double X on the trap. Hold on, Bill, boy. Hold on, Bill. Moi c'est noir amigo, j'ai encore plus d'espoir de baiser ta mère en vrai le. C'est moi le prof amigo, je les place en file indienne comme il est moi appelé la queue le. Qui va rivaliser, hein, je gagne le match au la main. Pas besoin d'égaliser, il me faut la dernière allemande crise métallisée. Pas besoin d'attendre que la lumière soit tamisée, c'est pas ma faute à moi. J't'ai avec Alizé. Qu'ils essayent pas de copier l'imam bébé, wallahi je vais les verbaliser. J'suis en train de baliser, à deux doigts de la paralysie. Ça compte la paralysie, tellement vrai qu'on peut la miser. Sois agent ou sous NSI. Regarde-moi bien, j'prends pas mon pénard. J'la jouerai solo, comme si t'es CR. Fais pas l'ancien, si c'est pour pénard. J'vais sauter fuck en MDR. T'as pas la ganache, hein, tu fais blata. On veut pas ta daronne, on veut ta tata. Elle veut pas ton cœur, hein, elle veut ta plata. La vérité reviendra toujours au meilleur. J'suis dans un bar, grave, grave, relou. J'leur fais des femmes de corps, j'me tords. J'suis dans un club, tu fais Halloween. Halloween, Halloween. Halloween, tu fais Halloween. J'suis dans un club, tu fais Halloween. C'est nous les winners, c'est nous les winners. Ça tombe bien, j'ai du foutre à donner. J'appuie pas sur pause, hein. Maman m'a vu à la télé. Elle appuie pas sur pause, hein. J'ai rien dit, soir, ils sont affolés. J'suis encore sur le corner. En attendant, j'flaire le mili. J'flaire le mili, j'flaire le mili. On changera jamais comme nos darons. On baissera jamais comme les tarots. Arriver au sommet comme un baron. Redescendre aussi vite, écrasé comme une garo. Je laisserai jamais de scander nueve quattro. On écrit texte qui deviendront des tableaux. Des Picasso, des Escobar, des Pablo. On fait la malin, on n'est pas maléable. On se dit le paléa, je t'ai vu au palais. Tu sais des kilomètres de piste de carrière. Tu sais très bien, fils de pute, on n'est pas les mêmes. Je traîne avec Jaga au cas où. Tu me dis que t'es là, mais t'es verrou, boy. T'es cramé comme Galsin, cramé comme Marbella et Salou, boy. Trop d'un fils de pute, hein, j'suis jaloux, hein. J'te laisse mon petit ref, t'es tout balou, oh boy. Même devant lui, t'es tout balou, ouais. T'es tout reine et t'es tout caillou, lèche. Ta vie m'a bite, j'aimerais que tu la lèches. Mais mon plan, moi, d'où y'a grave de la neige. J'remonte pas la pente, j'suis déjà tout là-haut. J'ai mis la banane, tu peux garder la pêche. J'en parle de Wido, j'suis dans un bar, grave, grave, relou. J'leur fais des femmes de corps, j'me tords. J'suis dans un club, tu fais Halloween. Halloween, Halloween. Halloween, tu fais Halloween. J'suis dans un club, tu fais Halloween. C'est nous les winners, c'est nous les winners. Ça tombe bien, j'ai du foutre à donner. J'appuie pas sans pause, hein.